Matthieu chapitre 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car de tels jugements que vous jugez, vous serez jugés, et de telles mesures que vous mesurerez, on vous mesurera réciproquement. Et pourquoi regardes-tu le fétu qui est dans l'œil de ton frère, et tu ne prends pas garde à la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère, permets que j'ôte de ton œil ce fétu, et voilà, tu as une poutre dans ton œil. Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et après cela tu verras comment tu ôteras le fétu de l'œil de ton frère. Ne donnez point les choses saintes aux chiens, et ne jetez point vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et que se retournant ils ne vous déchirent. Demandez, et il vous sera donné, cherchez, et vous trouverez, heurtez, et il vous sera ouvert. Car quiconque demande, reçoit, et quiconque cherche, trouve, et il sera ouvert à celui qui heurte. Mais qui sera l'homme d'entre vous, qui donne une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Et s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes méchants, savez bien donner à vos enfants des choses bonnes, combien plus votre Père qui est aux cieux, donnera-t-il des biens à ceux qui les lui demandent? Toutes les choses donc que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur aussi de même, car c'est là la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, car c'est la porte large, et le chemin spacieux, qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par elle. Car la porte est étroite, et le chemin est étroit, qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. Or gardez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en habit de brebis, mais qui au-dedans sont des loups ravissants. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins à des épines, ou les figues à des chardons? Ainsi tout bon arbre fait de bons fruits, mais le mauvais arbre fait de mauvais fruits. Le bon arbre ne peut point faire de mauvais fruits, ni le mauvais arbre faire de bons fruits. Tout arbre qui ne fait point de bons fruits, est coupé, et jeté au feu. Vous les connaîtrez donc à leurs fruits. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Mais je leur dirai alors tout ouvertement, je ne vous ai jamais reconnu, retirez-vous de moi, vous qui vous adonnez à l'iniquité. Quiconque entend donc ces paroles que je dis, et les met en pratique, je le comparerai à l'homme prudent, qui a bâti sa maison sur la roche. Et lorsque la pluie est tombée, et que les torrents sont venus, et que les vents ont soufflé, et ont donné contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur la roche. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met point en pratique, sera semblable à l'homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. Et lorsque la pluie est tombée, et que les torrents sont venus, et que les vents ont soufflé, et ont donné contre cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Or il arriva que quand Jésus eut achevé ce discours, les troupes furent étonnées de sa doctrine. Car il les enseignait comme ayant de l'autorité, et non pas comme les scribes.